this be? Que des torrents d'eau vive coulent dans mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne guider ma vie. Pour chaque situation qui peut troubler mon âme, tous mes fardeaux et soucis, je te confie, tendre Père. Your living water flow on my soul. Let your Holy Spirit come and take control. In every situation that can struggle my mind, all my cares and problems unto you, oh Lord.